Albert Ndoua est à la cabine technique au micro. Vous êtes avec Vestine Boutoui. Bonjour mesdames et messieurs auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue à l'écoute de ce journal de la mi-journée de ce dimanche dont voici les grands titres. Lors de la rentrée judiciaire 2022-2023, le président de la République du Burundi a répertorié les méfaits de l'injustice et dont le désintéressement des investisseurs étrangers. Et la coalition pour l'éducation pour tous, Fachewige, plaide pour la reconsidération de l'enseignement des langues et vous l'entendrez tout à l'heure. Et la chronique nutrition parle du danger que présente la consommation irrationnelle de l'œuf. Voilà pour l'essentiel. Isanganiro. Ouvrons ce journal par la page et justice. La justice est le socle du développement durable, les constats du président de la République du Burundi lors de la rentrée judiciaire 2022-2023 ce vendredi à Gitega. Évariste Ndayishimiye a précisé qu'une personne est victime de l'injustice et n'aura plus le courage de penser au projet de développement. Selon lui, même les investisseurs étrangers ne peuvent pas mettre leurs capitaux dans un pays dépourvu de la justice. Suivez-le traduit en français par Jean-Marie Mayong. Quiconque se plaint toujours ne peut s'autodévelopper. Aucune personne est victime de l'injustice, ne peut penser au projet de développement. La justice est le principal pilier du développement du pays. Dans ces derniers jours, la population m'a révélé que parmi les handicaps majeurs du développement figure la justice. Je lui ai demandé une explication. Il m'a répondu que suite à la recrudescence de la corruption, on ne peut prétendre avoir de la justice si on ne vend pas sa propriété foncière ou son bétail. C'est-à-dire que la misère te surprend parce qu'on a vendu ses biens pour avoir de la justice. Alors, comment atteindre le développement si on a vendu sa parcelle ou son bétail qui permettrait de payer les frais scolaires des enfants? Les investisseurs qui devraient amener leurs capitaux ici au Burundi, ce qui les intéresse en premier lieu, ce sont les lois pour leur protection. Alors, sans justice, ils ne peuvent pas y investir. Comment peut-on avoir du courage pour amener autant de millions de dollars dans un pays où la justice est corrompue? Voilà ce qui empêche les investisseurs étrangers de venir au Burundi. Des personnes usent de leur malice pour voler leur argent et quand les victimes saisissent la justice, ces voleurs complètent avec les juges pour classer sans suite l'affaire. Ce qu'on ignore, c'est que ces investisseurs informent les autres. L'injustice est qui règne dans le pays et par la suite, on se lamente qu'on n'a plus de salaire, que le pays est pauvre alors que c'est nous-mêmes qui avons repoussé ces investisseurs. Là où il n'y a pas de la justice, le développement est impossible. Toujours en page de justice, un homme du nom de Frédéric Burakuvi a été assassiné la nuit de ce samedi chez lui à la colline Gisimbawaga. De la commune Ouiga, en professeur Karoussi, les habitants et la famille accusent son fils de son meurtre. Les ressources de la police et du parquet de Karoussi informent que le présumé coupable a été arrêté le matin de ce dimanche et que les enquêtes ont déjà débuté. Les détails avec Blaise Pascal et Karoumi. Cet homme est répondant au nom de Frédéric Burakuvier de la colline Gisimbawaga, commune Mutumba, province Karoussi, est mort cette nuit de samedi vers dimanche à la maison à la sous-colline Butaha. Les habitants sur place indiquent que c'était vers 23h quand ils ont entendu des cris dans le ménage de son défunt indiquant que Frédéric aurait été tué par son fils du nom de Tunayo Alexis. Les mêmes sources confirmées par les membres de la famille du défunt signalent qu'après le forfait, ce garçon a pris fuite avec blessure qui serait causée par son père lorsqu'il se défendait. Signalant que le présumé a été appréhendé et arrêté au chef-lieu de la province le matin de ce dimanche, les sources de la police et celles du parquet de Karoussi confirment que Alexis Tunayo est dans les mains de l'officier de police judiciaire de Karoussi et que des enquêtes ont déjà commencé depuis ce même matin. Rappelons qu'il n'y avait que seulement 2 jours, un jeune garçon de 19 ans venait aussi d'être assassiné par des individus non encore connus à la maison au quartier Kigwati du chef-lieu de la province Karoussi. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Merci Blaise Pascal. Et Kararoumi est en page infrastructure. Un dossier d'un terrain pour la réalisation des projets de construction d'un port autonome a été analysé lors du Conseil des ministres de ce mercredi. Selon Prosper Nawgwami, secrétaire général et porte-parole du gouvernement, ce projet vient répondre aux défis comme le manque des lieux de construction et réparation des bateaux sur le lac Tanganyika Suvelu. Dossier relatif à la demande en terrain pour la réalisation d'un projet de construction d'un port autonome et un chantier naval sur le lac Tanganyika, sur une superficie relevant du domaine public de l'État, situé à Kadjaga, en commune Mutimbuzi. Ce dossier a été présenté par le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. En date du 29 janvier 2022, le président du conseil d'administration du port autonome de Bujumbura a formulé une demande d'intérêt qui va abriter le projet de construction et d'exploitation du port autonome et du chantier naval. La société Port Autonome de Bujumbura est un regroupement de deux sociétés de droit burundais, la Canadian Total Logistics, issue de la diaspora burundaise au Canada, et la société coopérative Sosibua Abahizi, afin de construire un port autonome répondant aux normes internationales des ports en eau profonde. Ce projet cadre avec le plan d'aménagement intégré du littoral du lac Tanganyika. Cette nouvelle société a réuni les moyens financiers et techniques adéquats pour réaliser ce projet. Ci projet vient répondre aux défis ci-après. Le manque des lieux de construction et de réparation des bateaux sur le lac Tanganyika. Les difficultés de ravitaillement en marchandises au Burundi en particulier et de nombreuses autres villes de la sous-région en général. La création de nouveaux emplois directs permanents. À l'issue de l'analyse de ce dossier, le Conseil des ministres a trouvé le projet intéressant, mais a recommandé ce qui suit. Monter le projet de construction du chantier naval et du port dans le cadre du partenariat public-privé. Chercher un autre terrain pour ce projet, car celui identifié est un milieu touristique. Déterminer les délais pour la réalisation de ce projet aussitôt le terrain accordé. Les ministres en charge du transport, de l'environnement, ont été chargés de faire le suivi de ce projet. Il est 13h passé de 2 minutes dans les studios de la radio Isanganiro. Continuons ce journal et par la page éducation. La coalition pour l'éducation pour tous va fâcher Wigapé. Le gouvernement a réintégré les élèves orientés dans les sections lettres et économiques et dans les écoles à régime d'internat pour qu'ils puissent jouir les mêmes droits que ceux qui font les sciences. Et le président de la coalition Fajewig qui le demande s'appuie sur le fait que les salles de classe de ces écoles sont vides ces dernières années. Suivez Jean Samandari au micro d'Evariste Nzekouanyang. Nous savons que les écoles à régime internat commencent avec les élèves de poste fondamental qui ont terminé l'école fondamentale. Et dans ces écoles, le gouvernement essaie aussi d'y affecter un nombre réduit d'élèves. Je pense que c'est compte tenu de ces problèmes-là, des prises en charge, de rationner ces enfants. Mais aussi nous constatons également qu'il y a certaines sections qui n'ont pas accès à l'enseignement, au régime d'internat, notamment les élèves qui terminent les écoles fondamentales des sections langue, section économique et aussi section sciences sociales et humaines, ils n'ont pas droit à l'internat. Et ceux qui ont droit à l'internat, ce sont les élèves dans des sections scientifiques, des sections techniques et pédagogiques uniquement, alors que tout le monde devrait être pris au même pied d'égalité et avoir les mêmes chances. Ça, c'est un problème aussi, mais nous devons faire un plaidoyer en faveur à cette catégorie d'élèves qui n'ont pas accès à l'enseignement régime d'internat. Jean Samandari est le président de la coalition pour l'éducation pour tous. Wafashe Wige en page société hausse des prix des produits de consommation dans la plaine de la Kumboso comparativement aux années passées. Des agriculteurs lient cette situation avec l'insuffisance de la pluie pendant la saison culturelle. De ce fait, on a assisté à la baisse des récoltes agricoles, d'où la montée des prix des produits de première nécessité comme le haricot. Les détails avec Venus Tenira Mag. Les dépressions de la Kumoso sont connues comme un lieu fertile adapté aux différentes cultures, en l'occurrence le haricot, les arachides, le riz, le manioc et bien d'autres cultures. Malheureusement pour cette année, la pluviosité n'a pas suivi son rythme habituel car les pluies ont cessé de tomber avant l'automne, ce qui a occasionné la baisse des récoltes agricoles. Cette situation est à l'actif de la hausse des prix pour les produits de première nécessité. Ici, nous donnerons l'exemple du riz qui s'achetait à 3000 francs en bout, alors qu'il s'achetait à 2000 francs en bout l'année passée, même période. Le haricot s'achetait à 1200 francs en bout, alors qu'il s'achetait à 1000 francs en bout. Le maïs s'achète à 1300 francs en bout, alors que l'année passée, son prix n'a jamais arrivé à 1000 francs en bout. D'autres produits dont le prix sont à la hausse sont la patate douce, les pommes de terre et les colcas. Alors que les années passées, il y avait pour ces produits des tas pour 500 francs bout, aujourd'hui, le plus petit des tas est à plus de 1000 francs bout. Les acheteurs rencontrés sur différents marchés dans le Kumoso font savoir qu'ils éprouvent beaucoup de difficultés quant à l'achat des produits agricoles car leurs prix ont monté. Les agriculteurs du Kumoso craignent qu'ils seront incapables de s'approvisionner en semences pour cette prochaine saison culturelle. Ils demandent à l'État et à tout âme charitable de leur donner des semences de crainte de rater la prochaine saison culturelle. Depuis Kumoso, province de Rutana, Venise Niramaga pour la radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique nutrition. La consommation élevée des œufs peut entraîner des maladies sur la santé humaine. Jean-Paul Winneza, chercheur nutritionniste, cite entre autres les maladies cardiovasculaires et le cancer. Il appelle les consommateurs à consommer l'œuf avec modération. Omer Andouaï. Nous vous avons parlé des vertus et les bienfaits de l'œuf la fois passée. Aujourd'hui, nous revenons sur les conséquences d'une consommation abusive de l'œuf. Jean-Paul Winneza, chercheur nutritionniste, trouve qu'une consommation élevée des œufs peut occasionner des effets néfastes sur la santé humaine. Même si l'œuf nous procure beaucoup de nutriments, il y a d'autres répercussions négatives sur notre santé que l'œuf peut nous occasionner. Par exemple, un excès d'acide urique, de cholestérol et aussi la fermentation intestinale et le risque des maladies cardiovasculaires et aussi l'infarctus du myocarde, l'angine de poitrine. Parmi les maladies que peut causer la consommation abusive de l'œuf, le chercheur cite entre autres le cancer et les maladies cardiovasculaires. D'autres problèmes qui peuvent occasionner l'œuf, c'est les problèmes des cancers, cancer du prostate pour les hommes, les cancers du sein pour les femmes et d'autres tumeurs cancéreuses au niveau de l'organisme entier. Épousant les conseils des experts nutritionnistes, le chercheur Jean-Paul Winneza appelle les consommateurs à prendre cet aliment avec modération. Les nutritionnistes nous conseillent de ne pas consommer plus de 3 œufs par semaine. Sinon, les œufs vont quand même occasionner beaucoup d'effets néfastes sur notre santé. Comme Thomas, un président américain, a dit, ne te répands jamais d'avoir pu manger. En fait, si tu as trouvé peu de œufs, ils ne font pas avoir des réglés que tu as pu trouver. Sinon, ça peut quand même vous occasionner beaucoup d'effets néfastes. Un autre chercheur qui s'appelle Mahatma Gandhi a parlé qu'il ne faut jamais avoir beaucoup de choses qu'il faut privilégier beaucoup de fruits. Cet homme-là a dit, pour conserver la santé, nous devons faire des fruits et des légumes, mes frères, la part fondamentale de notre alimentation. Ce chercheur conseille les consommateurs à se nourrir plutôt beaucoup de légumes et fruits à la place des œufs. Merci Omer Andouaï pour les détails de cette chronique nutrition. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée de ce dimanche. Mais permettez-moi de vous rappeler des principaux titres. Lors de la rentrée judiciaire 2022-2023, le président de la République du Burundi a répertorié les méfaits de l'injustice et dont le désintéressement des investisseurs étrangers. Et la coalition pour l'éducation pour tous, Bafashebigi, plaide pour la reconsidération de l'enseignement des langues. Vous l'avez entendu dans le journal. Et la chronique nutrition de ce dimanche a parlé du danger que présente la consommation irrationnelle de l'œuf. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouaye pour la parfaite collaboration. Vestine et Boutou, j'étais à la présentation. Au revoir, passez un bon après-midi.